L'actualité des sciences à présent, les saventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. Nous partons ce matin sur la piste des animaux en forêt avec un chercheur un peu particulier, c'est un philosophe. Et son nom, Baptiste Morisot. Il s'agit d'un jeune chercheur, maître de conférence en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Ses travaux portent sur les relations entre l'humain et le vivant et s'appuient sur des pratiques de terrain. Baptiste Morisot aime suivre les indices laissés par les animaux dans la nature. En fait, quand on part, on sait jamais ce qu'on va trouver. Et d'ailleurs, parfois, on trouve rien. La rencontre animale, elle est pas commandable. On rencontre l'autre sur sa propre trajectoire. Et ça produit un effet assez puissant qui rappelle que les choses ne nous sont pas dues. Baptiste Morisot est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Actes Sud sur la piste animale. Il raconte comment il parcourt pendant des jours et des nuits de vastes chemins pour aller à la rencontre de grands prédateurs. Vous qui êtes à l'affût des tendances, Eric, vous avez dû vous rendre compte qu'il y en a une nouvelle. Et c'est celle qui consiste à prendre des bains de forêt. J'adore vous avez entendu ça. Parler de ça. Moi, je préfère de loin la formule employée par Baptiste Morisot parce qu'elle est plus poétique. Il dit « s'enforester ». S'enforester, c'est un mot qui vient de l'ancien français. Ce qu'il y a de beau dans s'enforester, c'est que c'est l'idée d'aller dehors, mais aussi de laisser la forêt emménager dedans. Et c'est là, dans la forêt, que vous allez pister les grands prédateurs. Les grands prédateurs et les autres animaux. Racontez-nous comment vous pistez l'ours aux États-Unis. Les ours ont toute une série de comportements dans lesquels ils interagissent avec la forêt et qui laissent des indices très infimes, mais quand on apprend à les décrypter, qui donnent accès en fait à leur comportement. C'est des traces dans la boue, c'est des poils qui sont laissés sur leurs arbres à grattage, c'est des conifères qui les intéressent parce qu'ils peuvent y faire leurs dents. Et quand on croise une piste qui est intéressante, par exemple une empreinte, on essaie d'identifier l'espèce. Et à partir de là, on va essayer de reconstituer sa trajectoire. Comment se passe la rencontre avec l'ours? Déjà, il faut savoir qu'elle n'a pas lieu si souvent. Et que même, ça c'est une des choses qu'on apprend dans le pistage qui est assez prodigieuse. À un moment, ça devient presque plus intéressant de lire les traces que de voir l'animal. Voir l'animal, ça dure quelques secondes, c'est souvent très fugace. La rencontre n'est pas forcément réussie. Par contre, quand on reste sur les traces, ce qui est prodigieux, c'est qu'on finit par voir par ses yeux plus que de le voir de nos yeux. Et il y a une intimité là-dedans qui n'est pas inintéressante. Et donc l'ours, en l'occurrence, j'en ai rencontré plusieurs. C'est des émotions assez intenses et qui ont à voir avec la peur. Parce que les grizzlies en particulier sont des animaux qui sont pas très conviviaux et qui sont un peu versatiles. Mais il y a quelque chose de puissant dans cette peur, parce qu'elle nous rappelle notre identité écologique et le fait qu'on n'est pas chez nous. Les ours, on en parle pas mal en ce moment, puisqu'il est question de réintroduire deux femelles à l'automne dans le massif pyrénéen. Et d'ailleurs, on a entendu s'exprimer il y a quelques jours dans les rues de Pau toute la colère des anti-ours. Alors pour ou contre, je n'ai pas évoqué le sujet avec Baptiste Morisot, mais je lui ai demandé quel était le rapport entre cette quête sur la piste des grands prédateurs et ses recherches en philosophie. C'était des pratiques qui me fascinaient, mais qui étaient déconnectées de mon travail, jusqu'à ce que je prenne conscience qu'il y avait une richesse philosophique dans ces pratiques, qu'elles permettaient de reconsidérer nos relations au vivant, qu'elles permettaient de poser toute une série de questions strictement philosophiques. Ça a changé vos pratiques d'enseignement, par exemple ? Ça a surtout changé mes pratiques de recherche. Parce que maintenant, j'ai du mal à concevoir de penser sans être connecté d'une manière ou d'une autre à un terrain. Le pistage, c'est-à-dire le sens du détail révélateur, la recherche des indices discrets qui révèlent des structures invisibles et profondes, c'est devenu assez central pour moi. Parce que vous dites pister, c'est être attentif à des choses invisibles. Invisibles parce qu'elles sont devenues invisibles, parce qu'on ne sait plus les lire, on n'y voit plus rien. Le grand problème, c'est de réapprendre à décrypter ces hiéroglyphes et de reconstituer des choses. C'est très imaginatif le pistage, parce que dans les faits, c'est assez peu spectaculaire. Si on va sur le terrain, ça pourrait être décevant, mais il faut fabuler, il faut raconter. Et là, il y a des choses assez belles qui peuvent se passer. Sur la piste animale, donc, c'est signé Baptiste Morisot et c'est publié chez Actes Sud. Et votre chronique, Les Saventuriers, Fabienne Chauvière, c'est aussi sur franceinter.fr.